la brume, y'a rien que moi qui crie avec ma plume. J'suis peut-être légume, mais mes rimes naissent après ma posthume. Attrape-moi si tu peux, tu vas voir, j'suis merveilleux. Je l'avoue, j'ai calé au creux dans mes pensées, regarde pas mes yeux. Ça se peut, tu me vois pompette, couché au sol à l'automne. J'écoute des heures de trompette, j'aime pas ça quand on m'espionne. J'ai fait de la peine aux gens, oui, je l'avoue et je le regrette. J'suis toujours en manque d'argent, faut que j'lâche la cigarette. Demande-moi pas ce que j'ai fait hier, ça se peut, j'suis encore sous de la veille. J'suis disparu de ton annuaire, puis texte de moi quand tu te réveilles. Le soleil se couche plus tôt, c'est la dépression saisonnière. Me fait toujours des scénarios pour me calmer, j'pars cafetière. Mom, t'inquiète, ton fesse, il va pas crever. Pop, j'comprends que tu veux que je laisse le temps aller. Mes frères, j'suis désolé si je suis jamais présent. Sister, j'm'excuse si on se voit une fois par an. Rap, m'excuse si je repousse toujours ce que j'fais. Friends, c'est grâce à vous que live j'suis pas au ciel. Boss, m'excuse si j'arrive toujours claqué à job. C'est de la faute à mon corps qui me dit jamais qu'il faut que j'dors. T'étais là quand j'file le down, t'étais là quand j'dormais jamais. J'essaie d'oublier, mais malgré tout j't'ai souvent pogné. Non, j'parle pas de mon ex, mais je parle de la neige. Pas de celle qui tombe l'hiver, mais celle qui te met en calvaire. Le gazon est vert, mais la neige est blanche. Mon trip en Vancouver, t'as trop forcé la clanche. Cocaïne, tu m'as pris, ma famille et mon esprit. J'm'excuse si y'en a qui l'ont mal pris. J'ai pas peur qu'il reste à le prix. Mais j'arrête tout pour pas tomber. Je recommence tout, faut bien scorer. Là j'suis tanné, faut que j'aille m'évacher. J'espère au moins que vous avez kiffé la dernière tourne de mon EP, yo.